Cours numéro 32. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد انتهينا في درسنا الأخير من الباب السابق ذكر الزجر عن قبول قول الوشاء فالمؤمن يحذر من النميمة ومن الإفساد في الأرض en propageant des rumeurs, des mensonges, en accusant à tort. كذلك المؤمن il doit s'écarter d'accepter les paroles de هؤلاء الوشاء الكذابين النمامين comme on a vu dans le درس. ونبه أخ أن البعض يقولون أن s'il parle sur les gens c'est pour évacuer وهذا لا شك أنه خطأ c'est une erreur il n'y a aucun doute لأن الحرام c'est حرام et لو فتح هذا الباب أن كلما واحد أراد أن يرتاح أي évacuer Enfin, si on ouvrirait cette porte, hada, il va insulter, hada, il va frapper, hada, tout ça au nom de hada, et pour évacuer. Allah subhanahu wa ta'ala قال ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Enfin, celui qui veut évacuer haqqan et qui veut se reposer, il veut sentir cet apaisement dans son cœur. C'est dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ala bi dhikrillah tatma'innu al-qulub. Les cœurs ils sont apaisés avec le dhikr, avec la lecture du Coran, كذلك en maîtrisant sa langue. Wa illa fa le fait de parler sur les autres, thumma argumenter c'est pour évacuer, li'anna je peux plus, hada c'est min adh-dha'f. Ça c'est des faiblesses. Et on doit tout savoir et on sait wallahi alhamd an al ma'asi laha adrar fi ad-dunya wal akhirah an les péchés c'est une cause de regret et ça fait beaucoup de mal aux croyants ici-bas et dans l'au-delà fa on maîtrise notre langue et si l'insan il sent shay min adh-dhiq fa il fait beaucoup de dhikr et il demande à Allah subhanahu wa ta'ala al-faraj. Wa kadhalik les fréquentations comme taqaddam ma'ana. Ça joue un énorme rôle. Enfin, fais tout pour fréquenter al-salihin, al-atqiya, al-tayyibin. Et tu verras que min hadha al-janib, tu te reposeras. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq wa al-sadad lil-jami'a. Qala al-imam Abu Hatim rahimahullah. ذكر استحباب قبول الاعتذار من المعتذر. Ce bab, il ressemble à un chapitre qu'on a vu précédemment sur al-afu wa al-safh, le fait de pardonner à son frère, le fait d'être miséricordieux envers les croyants. Man la yarham la yurham. Celui qui ne fait pas miséricorde à ses frères, Allah il ne lui fera pas miséricorde. وفي الحديث الآخر ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء soyez miséricorde envers ceux qui sont sur terre enfin celui qui est au-dessus des cieux il vous fera miséricorde فهذا تقدم معنا et كذلك dans beaucoup de passages dans ce livre في ذكر أوصاف العقلاء الكرماء الأتقياء Il a cité les caractéristiques des gens pieux, des gens sensés, des gens qui veulent le bien. Et parmi leurs caractéristiques, annahum, ils pardonnent aux autres. Dans ce chapitre qu'on va lire aujourd'hui, ce chapitre il est plus précis. Si un frère il te demande pardon, il te demande des excuses. Fa al-aqil Celui qui veut al-khayr pour lui-même et pour son frère, fa il doit accepter ses excuses. قال الله عز وجل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Ce verset, on l'a déjà cité كثيرا. والشاهد منه خذ العفو أي pardon. Et là, chacun a parmi les conséquences du pardon, c'est d'accepter les excuses de ton frère. أما القسوة, cette dureté qui se trouve dans certains cœurs et cette fierté accompagnée de شيء من الكبر, et l'insan, il voit son frère, أنه il regrette, أنه il demande des excuses, أنه il essaie de faire des efforts, ومع هذا il ne fait aucun effort pour l'aider et il n'accepte pas ses excuses. هذا قد يبتلى لأن الله سبحانه وتعالى سميع بصير. Et là, chacun a ce frère qui a fait cette erreur et qui demande pardon. Il n'y a aucun doute qu'on a fait des erreurs et on fait des erreurs, on fera des erreurs. Et le mu'min, il aime que son frère il lui pardonne. Enfin, comme toi, Akhil Karim, tu aimes quand tu fais une erreur, tu te trompes, tu as fauté ma Akhil, tu aimes, tu espères que ton frère il te pardonne et il tourne la page. Fa hakada anta akhi al-karim. Ça c'est min akhlaq al-kurama, ça c'est min akhlaq al-uqala. Fa li hada al-imam Ibn Hibban rahmatullah alayh, il a cité ce chapitre. Wa fi qissat Yusuf alayhi salatu wassalam, an-nabi al-karim al-amin, dans son histoire que Allah subhanahu wa ta'ala il a cité fi sourate Yusuf, ibar wa fawaid, concernant ce sujet. Fata'ammal qawluhu azza wa jal, qalu ay les frères de Yusuf, qalu tallahi atharaka Allahu alayna wa in kunna la khati'in. À la fin, ils ont admis qu'ils s'étaient trompés avec leur frère Yusuf et ils ont admis que c'est Yusuf qui avait raison et que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a élevé. Fa'tarafu bil khata, ils ont reconnu leur faute. Et ça c'est un point très très important. Li'anna al khata yaqa', on se trompe tous et on se trompera. Fa hadha fi al haqiqa, ça arrive. Lakin l'insan ne doit pas empirer sa situation en rejetant le haqq, en niant les choses évidentes. Là, celui qui s'est trompé, il s'est trompé, ça arrive. Ta'ammal qawluhum wa inna kunna la khati'in. Ils ont reconnu, ils ont fait des erreurs. Qala Allahu 'azza wa jalla, en citant la parole de Yusuf, le verset suivant, qala ay Yusuf la tathrib 'alaykum al-yawm. Il leur a pardonné. قال يغفر الله لكم. فتأمل أنه concernant les injustices qu'il a subies, il leur a pardonné. لا تثريب عليكم اليوم. ثم il a fait dua pour eux. Il a fait dua pour eux. يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. لماذا؟ وهذا فيه فائدة عظيمة pour nous. أن si on espère cette miséricorde d'Allah سبحانه وتعالى, فparmi les causes, on doit avoir de la miséricorde envers les autres, même envers le Baha'im. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans plusieurs hadiths, il nous a encouragé d'avoir de la rahma envers le Baha'im, envers les animaux. Fa ma baluk, ton frère, ton voisin, tes proches, irhamu man fil ard, irhamkum man fil sama. Fa qala Yusuf yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Il a accepté leurs excuses. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه حديث فيه قصة أبي بكر وعمر كذلك دي فوائد عظيمة. تأمل. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر. مر أبو الدرداء رضي الله عنه الصحابي الجليل il raconte qu'il était avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, فأقبل أبو بكر. فأبو بكر il est venu auprès d'eux. فكانت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبو بكر فقال أما صاحبكم فقد غامر. أي صاحبكم أي أبو بكر إلى un problème avec un autre. مشكلة. فسلم وقال أبو بكر إلى دي إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء. Donc أبو بكر إلى un problème, un désaccord avec عمر. Radiyallahu anhuma ajma'in. Ça nous montre quoi, hada, ya ikhwan? Anna al-mu'min mahma balagha min as-salah wa al-tuqa wa al-ilm. Quel que soit ton niveau, dans la piété, dans la science, tu restes un être humain. Fa'afdhalu an-nas, les meilleurs des êtres humains, bil-ijma', selon l'unanimité. Après les prophètes et les anbiya, c'est Abu Bakr et Umar. Malgré cela, waqa'a ma waqa'a. Un petit problème entre eux, ça arrive. En tant que mu'min, tu auras certains problèmes avec tes frères, encore plus nous, avec nos faiblesses, avec nos manquements dans beaucoup de choses. Comment ils se sont comportés, radiyallahu anhum. Innahu kana bayni wa bayna ibn al-Khattab shay'un. Fa asra'tu ilayhi thumma nadimt. Fa sa'altuhu an yaghfira li fa aba ali. Abu Bakr radiyallahu anhu, il a regretté. Ça, c'est une akhlaq al-mu'minin al-salihin. On n'est pas à l'abri de l'erreur. Lakin al-mu'min, sa sincérité, son amour envers son frère, son sidq, annahu il veut vraiment le bien, ça le pousse à regretter. Enfin, Abu Bakr radiyallahu anhu, il a regretté. Il est parti voir Omar radiyallahu anhu. Et il lui a demandé de l'excuser. Omar radiyallahu anhu, il a refusé. Ça nous montre mal. Ça nous montre ton frère. À un moment donné, il peut refuser une excuse. Il est encore énervé. Il est fatigué. Il a besoin de temps. Enfin, dans ce cas, اصبر, patiente. Il y en a même s'il refuse, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Là, ça reste un être humain. Enfin, il a refusé au départ. فأقبلت إليك. فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم. Après cela, Omar il a regretté. L'Iman. Omar lui-même, radiyallahu an, il a regretté de ne pas avoir accepté les excuses de son frère. Ça nous montre, Anna, si on fait une erreur, et parmi les erreurs, madalan, c'est de refuser les excuses. S'il n'y a pas de raison pour refuser, une raison légiférée, fafiyad al-hal, c'est l'insan au départ, il a refusé. Liyahvar mina shaytan dans ce cas-là. Et le shaytan, il va te faire croire que c'est trop tard, que tu as été injuste. Thomas, tu vas ressentir une gêne. Là, on fait attention à tawadou, comme a fait Omar. Omar, il a regretté. بعد ذلك. فأتى منزل أبي بكر فسأله. أو فسأله أتم أبو بكر. Il est parti directement chez Abu Bakr. Il recherchait Abu Bakr pour lui demander pardon d'avoir refusé. فقال له, il a été chez lui, ils lui ont dit là, il n'est pas ici, il n'est pas à la maison. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر. حتى أشفق أبو بكر. Quand Omar radiyallahu anhu il est venu, et Abu Bakr il était en compagnie plutôt du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le visage du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il a changé. لماذا لأن النبي sallallahu alayhi wa sallam, il n'aimait pas que un mal touche Abu Bakr radiyallahu anhu. فجث على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. مرتين. Abu Bakr أشفق. Quand il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam changer, il a eu de la pitié pour Omar et il s'est mis à genoux. فجث على ركبتيه. Il s'est mis à genoux sur ses genoux. فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين. Abu Bakr a dit c'est moi يا رسول الله qui a été injuste. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم. فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق ووساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها. ثم النبي صلى الله عليه وسلم il leur a montré qu'il n'acceptait pas que quelqu'un fasse du mal à Abu Bakr. فالحمد لله زال الشر. Ils se sont pardonnés. Et أنت, en tant que mu'min, tu profites énormément de leçons de ce genre d'histoire. Si ça arrivait à Haoula, Voilà. L'énorme faïda qu'on retire, on doit pas amplifier les choses. Et d'ahassal amin akh, un mauvais comportement, une mauvaise parole, une chose, et khalas, on amplifie la chose comme s'il avait fait, là, ça reste un frère. Il s'est trompé aujourd'hui, demain, ça sera nous. Alhamdulillah, tant que c'est pas lié au din. Alhamdulillah, tant que la porte du pardon, elle est ouverte, il peut encore s'excuser, un tas, tu peux accepter. On ne doit pas amplifier les choses. Ce qui nous fait du mal, nous, à cause de l'ignorance, c'est qu'on amplifie les choses. Et ça, ça vient de Shaytan. Amma, tu t'es trompé, tu vas voir ton frère. Tu lui demandes pardon. Ton frère, il te demande pardon. Accepte. Et encourage ton frère. Alhamdulillah, vous verrez que on éteindra beaucoup de problèmes. Et on renforcera nos liens. Et on écartera Shaytan. On le répète, et on l'a répété souvent via hadha al-kitab, anna min omniyat al-shaytan, parmi les objectifs et les désirs de al-shaytan, c'est de séparer al-ikhwan, de séparer al-jama'a. Amma ta'rif al-i'tidar, qawluhu dhikr istihbab, donc c'est recommandé d'accepter l'i'tidar. Et l'i'tidar, c'est les excuses. Min al-mu'tadir. Al-Mu'tadir, c'est celui qui s'excuse. Al-Munawi, rahimahullah, il a un kitab tayyib, al-tawqif, ala muhimmat, al-ta'arif. On a cité plusieurs fois ces ta'arif, c'est un livre de définition. Il cite des mots, il les définit. Et il a défini al-i'tidar bi qawlihi tahri l'insan ma yamhu athar dhambi. Tahri l'insan, al-i'tidar, c'est le fait de faire un effort pour essayer d'effacer l'erreur que tu as commise. Aïe, demander des excuses, demander pardon. Il y a trois façons de demander des excuses. Ça peut arriver, un mu'min min al-mu'minin, il pense que tu as fait une chose mauvaise, et tu sens qu'il a changé ma'ak, ben on t'a informé, il pense que kada. Enfin, si tu n'as pas fait, on ne doit pas laisser Shaytan dans ce cas. Qu'elle est rentrée. Faire cette erreur, dire ah, j'ai pas fait, je vais pas le voir, j'ai rien à me reprocher. Si on pense à l'unité de la communauté, si on veut le bien pour notre frère, ton frère il a pensé, il s'est trompé lui-même. Enfin, montre-lui. Montre-lui, c'est pas moi qui a fait cela, j'ai jamais fait cela. Alhamdulillah. S'il fait partie de Al-Uqala, il acceptera. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, où il dit « Fa'altu li ajli kada, fayadhkur ma yukhrijhu an kounihi dhamban. » Ou peut-être que il n'a pas compris. Tu avais une bonne intention au départ. Au moins, il s'est passé ce qui s'est passé, alors que ce n'était pas voulu. Enfin, tu lui montres. Tu lui montres « Fa'altu kada, j'ai fait cette chose parce que je voulais telle chose, j'avais cet objectif, je pensais kada. » Et j'ai jamais voulu, mathalan, te blesser. J'ai jamais voulu kada. Alhamdulillah. Et si je t'ai blessé, enfin, je te demande pardon. Alhamdulillah, les frères, ils se pardonnent. Ça, c'est les deux premiers cas. Le troisième cas, et c'est le plus répandu, et c'est notre sujet. قال ثالثا يقول فعلت ولا أعود ونحو ذلك. Le troisième cas, c'est vraiment lui qui a fait cette erreur. Et il reconnaît son erreur. Il dit à son frère, fa'alt, oui, j'ai dit cette chose, j'ai fait cette chose, wala a'oud, et je ne recommencerai plus. Et il rajoute, bi'idnillah, azza wa jal. قال والثالث هو التوبة, فكل توبة عذر ولا عكس. نعم, le troisième c'est التوبة. Si c'est un dhanb, enfin, bien sûr, yatoub ila Allah azza wa jal. Et parmi les conditions de la tawba, c'est avoir la ferme intention de ne plus refaire. Et si ce dhanb il est lié à un autre, à une créature, à un être humain, كذلك, il demande pardon à cet être humain, cet homme ou cette femme. فهذا خلاصة الكلام في معاني الاعتذار. قال رحمه الله أخبرنا علي بن الحسين ابن عبد الجبار قال حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا وكيع عن الثوري عن ابن جريج عن العباس بن عبد الرحمن ابن مينا الأجعي عن جودان. On verra, al-sahih, c'est que il est majhoul, il n'est pas connu comme être un compagnon. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتذر إلى أخيه فلم يقبل منه كان عليه مثل خطيئة صاحب مكس كذلك يقال مكس أي celui qui n'accepte pas les excuses de son frère فإلا les mêmes péchés que صاحب المكس أو المكس المكس c'est ceux qui prennent de l'argent بغير حق أي comme le système des impôts. Ça, c'est min al-mukus, al-muharrama. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit ذلك. Et c'est une énorme injustice. لأن الله عز وجل شرع الزكاة. نعم. On a un حق qu'on doit sortir de notre argent. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a légiféré. الزكاة. أما غير ذلك, tous les impôts qui sont inventés de... qu'ils ont inventé à notre époque, ça c'est minat dhulm. Faliada, dans ce hadith, il a comparé le fait de refuser al-udhr, al-i'tidhar de son frère, les excuses, à cette injustice. Lakin, al-hadith, il est daif. Qala fil hashiya, il a cité al-muhaqiq, qui c'est qui a rapporté hadha al-hadith, Ibn Majah, Ibn Abi Asim, et d'autres. Thumma qala wa ibn Jurayj mudallis, wa qad an'an. Si on revient au Isnad, An ibn Jurayj, An al-Abbas. Donc, Ibn Jurayj, c'est un mudallis. Et al-mudallis, quand il dit An, yu'an'in, fal-ulama, ils n'acceptent pas, al-muhadithun, ils n'acceptent pas sa an'ana, et le fait qu'ils disent An. L'imala, li'anna An, c'est pas un tasrih, annahu, il a vraiment entendu. Une différence entre An et sami'tu. Si le rapporteur dit sami'tu, c'est qu'il a entendu. Si dit an, il traduit par selon, d'après. On ne sait pas si c'est vraiment lui qui a entendu. Faroubama, c'est du tadlis. Falihada, l'ulama, ils ont rejeté. Ils ont rejeté an'anatu al-mudallisin et parmi eux, ibn Jurayj. Ça, c'est une illa. Ça, c'est un défaut qui prouve que le hadith, il est daif. Une deuxième illa, un autre défaut que l'ulama, ils ont cité, c'est joudan. An-joudan. Abu Hatim الرازي رحمه الله في المراسيل لابنه أي ابن أبي حاتم إلى عبارته عن أبي قال ليست له صحبة وهو مجهول العلماء اختلفوا les savants ils ont divergé concernant Joudan est-ce que c'était un compagnon أم لا et الصحيح الذي يظهر c'est que c'était pas un compagnon donc il est مجهول on connaît pas son hal ça c'est important لأن الصحابة tant que le narrateur il est considéré comme compagnon, même si on ne le connaît pas, c'est un fiqa. Il y en a tous les compagnons, c'est des personnes de confiance, hommes ou femmes. Tous leurs hadiths, il est accepté. C'est pour ça que tabaqat al-sahabi, le niveau du compagnon dans le isnad, et juste avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tant que c'est un compagnon, tu n'as pas à chercher niveau siha. Forcément, son hadith, il est authentique. Même si on ignore, c'est qui ? Matalan, dans certains asanid, الراوي دي وعن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. sans le citer, on ne sait pas c'est qui. Le narrateur, un imam de confiance, il dit, et d'après un compagnon du prophète Ali صلى الله عليه وسلم, on ne sait pas c'est qui. Le hadith, il a accepté. لكن quand c'est pas un compagnon, c'est un مجهول, on ignore sa situation. ففي هذا الحال, si c'est un مجهول عين encore plus, on ne sait même pas c'est qui. ففي هذا الحال, là chacun a le hadith, il est rejeté. لماذا؟ لأن peut-être que c'est un menteur. Peut-être que il a des faiblesses dans la mémorisation, peut-être. À la koulihal, l'ulama, il ferme la porte. Et hadith al-majhoul, il n'est pas accepté. Donc, ba'd al-ulama, qalou an-najhoudan, ce n'est pas un compagnon. Et il est majhoul, on ignore c'est qui, donc le hadith, il est daïf. Cheikh al-Albani, rahimahullah, il l'a da'af dans al-silsilah al-da'if. Et dans tous les cas, comme taqaddam ma'ana wa sayati, incha'Allah, al-mu'min, il doit faire des efforts pour accepter i'tidhar akhi. قال أبو حاتم رحمه الله أنا خائف أن يكون ابن جريج رحمة الله ورضوانه عليه دلس هذا الخبر بأن سمعه من العباس بن عبد الرحمن فهو حديث حسن غريب même si on dit que ابن جريج il a vraiment entendu هذا الخبر فعلى كل حال il y a une autre علة بل il y a plusieurs علة donc le hadith على كل حال il est ضعيف قال فالواجب على العاقل إذا اعتذر إليه أخوه بجرم مضى أو لتقصير سبق أن يقبل عذره ويجعله كمن لا يذنب Voilà, enfin, ça c'est le comportement que le mu'min il doit avoir. Ida sadara ilayhi akhu, si son frère lui demande des excuses, bisabab jurm, à cause d'une injustice qu'il a faite, ou li taqsir, ou un manquement qu'il a eu, un yaqbal udhra, il doit accepter ses excuses. Wa yaj'alahu kama la yudnib. لأن من تاب إلى الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث التائب كما لا ذنب له أو كما قال عليه الصلاة والسلام plusieurs hadiths qui vont dans ce sens et plusieurs versets du Coran sur التوبة أن التائب من تاب تاب الله عليه ça montre أن c'est comme s'il n'avait pas fait de péché Allah lui a effacé نحن كذلك si Allah lui a pardonné خاصة on sent que ce frère il regrette et il est sincère, et il veut vraiment réparer les choses, enfin, on doit les défier hada et accepter. Et comme il dit, on fait comme s'il n'avait jamais fait si on accepte. Pas comme il y a fait le bad. Au départ, ils acceptent. Ils ont toujours de la rancœur au fond d'eux. Enfin, la moindre chose, ils rappellent à ce frère, mais tu avais fait telle chose. Là, si on pardonne, on pardonne. Khalas. C'est effacé, on n'en parle plus. Elle m'a répété à ce frère, ça montre que les excuses n'ont pas été acceptées. قال لأن من تنصل إليه نعم لأن من تنصل نعم هكذا تنصل لأن من تنصل إليه فلم يقبل تنصل أي اعتذر celui à qui on demande pardon أخاف أن لا يرد الحوض على المصطفى صلى الله عليه وسلم وهذا لا دليل على هذا. Il n'y a aucune preuve sur cela. Anna, celui qui n'accepte pas les excuses de son frère, il risque de ne pas boire du haud du prophète alayhi salatu wassalam et du bassin du prophète yawm al-qiyama. Ça, c'est min umur al-ghayb ou la bud min dalil. Anna, celui qui prétend une chose min umur al-ghayb, vu que on n'a pas encore assisté à hada et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des croyants qui boiront min hada al-haud. Enfin, vu que ce n'est pas encore arrivé, fallahu a'lam. Illa si on a un dalil, min al-wahi, min kalam illah ou min kalam rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, anna fulan yutrad, matalan alladhina baddalu wa ghayyaru. On a des adillah, ceux qui ont changé la religion après le prophète Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam, avec des innovations, avec des inventions. Enfin, dans ce cas-là, on a des preuves qui montrent anna haoulay seront repoussés. Wa illa, celui qui n'accepte pas les excuses, enfin, on n'a aucune preuve qu'il sera repoussé du haoud. قال ومن فرط منه تقصير في سبب من الأسباب يجب عليه الاعتذار في تقصيره إلى أخيه. نعم. Donc celui qui a eu des manquements, celui qui a fauté avec son frère, il doit demander pardon. Et son frère, il accepte. ولقد أنشدني محمد ابن عبد الله ابن زنجي البغدادي إذا اعتذر الصديق إليك يوما من التقصير عذرا عذرا وبعضهم إذا من ضم عذرا قال ومن التقصير عذرا أخ مقر أي مقر بالذم سي سو فرير اي ريكونيس سيت فوت قال فصنه عن جفائك واعف عنه فإن الصفح الشيمة كل حر سي ريكوني اي دمون ديز اكسكيوز فالحقيقة pourquoi rejeter. Pourquoi ? On ne doit pas défendre notre nefs et penser qu'à nous. Là, c'est ton frère mu'min, il a des huquq. Donc, il a reconnu son erreur. C'est l'essentiel. Il te demande pardon. Alhamdulillah, enfin, pourquoi ne pas accepter ? Enfin, fi hadha al-hal, on doit accepter. قال رحمه الله وأخبرنا عمرو ابن محمد قال حدثنا الغلابي قال حدثنا ابن عائشة وهو عبيد الله بن محمد قال غضب سليمان بن عبد الملك على خالد بن عبد الله فلما دخل عليه فقال يا أمير المؤمنين القدرة تذهب الحفيظة وأنت تجل عن العقوبة فإن تعفو فأهل ذاك أنت وإن تعاقب فأهل ذاك أنا قال فعفى عنه. نعم ستم كي qui a eu un problème avec le gouverneur, Al-Amir, et il a énervé Al-Amir, et il a eu hadal kalam al-jamil. Il lui a dit, Al-Qudra tudhib al-hafidha. Al-hafidha, al-ghadab. Et tu as la capacité de me punir. Tu as la capacité de me punir. قال وأنت تجل عن العقوبة فإن تعفو. Si tu me pardonnes, فأهل ذاك أنت. Si tu me pardonnes, فأنت. Tu as ce genre de comportement. وإن تعاقب. Si tu me punis, فأهل ذاك أنا. Il a reconnu son erreur. Il a reconnu son erreur. Et هذا من الاعتذار. لأن أول مرحلة في الاعتذار, la première étape. Si tu as un problème avec ton frère et tu es fautif et tu veux arranger les choses, la première étape, c'est l'i'tiraf bidhanb. La première chose. Amma, celui qui essaye, il veut arranger les choses, là, qu'il ne reconnaît pas. Alors, ton frère, il n'acceptera pas. Même s'il accepte, ça ne sera pas clair. Là, il y a des choses, c'est clair. Tu t'es trompé, tu t'es laissé aller, tu t'es emporté. Fa'li'tidhar awwalan. Fa'ahlu dhaka ana, il a reconnu. Qala fa'afa'an. Le gouverneur, il lui a pardonné. Il a vu là où il a demandé pardon, il a reconnu, il pouvait le punir. Lakin, son comportement, il l'a poussé à lui pardonner. قال أبو حاتم رحمه الله لا يجب للمرء أن يعتذر بحيلة إلى من لا يحب أن يجد له عذرا ولا يجب أن يكثر من الاعتذار إلى أخيه فإن الإكثار من الاعتذار هو السبب المؤدي إلى التهمة. العلماء يذكرون هذا كثيرا dans leur livre, أن كثرة الاعتذار, le fait de s'excuser trop souvent, et même s'il n'y a pas de cause claire, pardon, ils exagèrent. Ahyanan, c'est même pas une erreur et il demande pardon comme s'il avait fait hadala. Hadala, on laisse l'i'tidhar pour les erreurs. Wa illa kama qala hada san sabab, ça peut ouvrir une porte à tuhma. Ana l'insan, il pense des choses. Ana hada, il s'excuse bila sabab, il n'y a pas grand chose, il n'arrête pas de s'excuser. Fa ka annahu, il a quelque chose à se reprocher. Fa da'iman, on le répète, le juste milieu, même dans ce genre de comportement. Tu n'as pas fait d'erreur, tu n'as pas besoin de t'excuser. Là, tu as fait une erreur, tu t'excuses. Et il y a des choses, wallahi alhamd, al-amr sahl, et ton frère, il ne t'en veut pas, il ne te reproche rien, alhamdulillah. Qala wa inni la astahib al-iqlal min al-i'tidhar 'ala al-ahwal kulliha li'ilmi anna al-ma'adhir ya'tariha al-kadhib. كذلك العلماء يذكرون هذا ان le fait de trop s'excuser, ça peut pousser au mensonge. Il y en a beaucoup, ils ont de l'excès. Il va s'excuser, il va tellement parler que ربما يقع في الكذب. Le mensonge, c'est haram. قال وقلما رأيت أحدا يعتذر إلا شاب اعتذاره بالكذب ومن اعترف بالزلة استحق الصفع عنها لأن الذل الاعتذار عن الزلة يوجب تسكين الغضب عنها والمعتذر إذا كان محقا يخضع في قوله ويذل في فعله. Il mérite. Il a fait un effort. Le fait de demander des excuses à ton frère, ça demande شيء من جهاد النفس. L'insan, sa nature, en général, elle le pousse à ne pas accepter, à ne pas se rabaisser. Enfin, reconnaître son erreur, c'est نوع من الذل. Et l'être humain, il n'aime pas hada. Donc, si tu comprends hada et tu reconnais hada, ton frère, il a fait un énorme effort. Imagine-toi, mets-toi à sa place. Anaka, tu fais cet effort. Tu te remets en question. Tu reconnais ta faute. Tu te déplaces. Tu demandes pardon à ton frère et ton frère, il te rejette. Hada, ça fait énormément de mal. Enfin, si on se met à la place de notre frère, si il a fait cet effort, il a reconnu son dhamm, enfin, on doit l'aider. Il mérite qu'on accepte ses excuses. Et قبل الاعتذار أخي الكريم, avant de demander des excuses, fais tout pour éviter هذا الموقف. Fais tout pour éviter cette situation. لأن أولا, tu ne sais pas est-ce que tu vas pouvoir demander pardon, des excuses, si tu auras la force. ثانيا, tu ne sais pas est-ce que ton frère va l'accepter. Donc évite. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك وما يعتذر منه. الحديث أخرجه الحاكم عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه, والشيخ الألباني رحمه الله إلا الصحح في الصحيحة. إياك وما يعتذر منه. المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدر قال أي احذر أن تتكلم بما تحتاج أن تعتذر منه. وطبق في attention. احذر أن تتكلم في attention de ne pas dire une chose, de ne pas faire une chose qui va te pousser par la suite à demander des excuses. Il y en a demandé des excuses, c'est pas simple, c'est pas facile. Enfin, à la base, on doit se préserver, se protéger. قال وإنه لا ينبغي الدخول في مواضع التهم ومن ملك نفسه خاف من مواضع التهم إلى آخره. هذا كلام المناوي رحمة الله عليه. فهذا سنجو sur ce point. أن on fait attention à la base. ثم قال رحمه الله حدثنا بكر ابن محمد ابن عبد الوهاب القزاز بالبصرة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو بشر قال سمعت أبي قال حدثنا مبارك ابن فضالة عن حميد الطويل عن أبي قلابة الجرمي رحمة الله عليه الإمام إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له عذرا فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا أعلمه. Et ça, c'est un autre comportement très très bénéfique, très très profitable. Ce genre de comportement, ça facilite la vie. Les anna vivre, côtoyer des frères et pour les sœurs, des sœurs, si c'est pas, ces relations, elles ne sont pas fondées sur la patience, sur shay min al-ilm, un minimum de science, sur ces comportements, ça peut devenir très très difficile. حتى تكره مخالطة الناس. كثير من الناس ils ont atteint ce niveau, ils ne peuvent plus se mélanger aux autres. Tellement qu'ils ont eu des mauvaises expériences. لكن si on met en application هذا, إذا بلغك عن أخيك شيء, si tu entends عن أخيك شيء, أولا on revient au chapitre précédent. Si c'est قول من فتان من نمام, fais attention. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Lakin si cette information on qadar qu'elle est authentique, idha balaghaka 'an akhik shay, on t'a informé à ton frère, il a fait telle chose, qala takrahu, et cette chose tu la détestes, faltamis lahu 'udran, cherche-lui une excuse, khassatan si هذا الأخ il est connu pour التقوى, il est connu pour craindre Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire des efforts. Tu m'as entendu une chose, ne te précipite pas. Peut-être qu'il a une excuse. Zalla, s'est trompé, il a été inattentif, rafla. Et si tu cherches cette excuse à ton frère, avant de le rencontrer, tu auras déjà une information, il a fait taouba, il veut te rencontrer pour demander pardon. Alhamdulillah, tu as préservé ta langue et tu as préservé ton cœur. Si on se précipite, et on laisse cette langue parler et on ouvre notre cœur, Shaitan il prendra directement position dans ce cœur et te fera croire sur ton frère telle et telle chose. C'est ce qui pousse ahyanan an ba'd an-nas, même si leur frère ba'd dhalik il vient demander pardon, vu qu'ils ont parlé, vu que leur cœur il a été touché, ils n'acceptent plus. Qala idha balaghaka an akhik shay'un takrahu فالتمس له عذرا. Cherche lui une excuse. فإن لم تجد له عذرا. Si tu ne lui trouves pas d'excuse. فقل لعل له عذرا لا أعلم. C'est possible qu'il ait une excuse que j'ignore. ثم quand tu le rencontres. وتتكلمون. الحمد لله si il s'excuse. La porte elle a été fermée. Tout le monde est في سلامة. Tout le monde est gagnant. Et ça arrive هذا كثيرا. نعم. أما مفسد من المفسدين, مجرم من المجرمين, منحرف من المنحرفين, qui fait du mal, qui est connu pour le mal, et que lui-même il ne veut pas d'excuses, lui-même il ne cherche pas d'excuses, فهذا الحمد لله. Si on peut mettre en garde nos frères pour que son char soit restreint, que son mal il ne se propage pas, فالدين النصيحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Encore plus, il y a ikhwan avec Ahlul Ilm, avec Al-Ulama, Ulama Al-Sunnah. Ne pas se précipiter. Tu peux entendre une chose, Marra. Annahu, il a tel qawl. Annahu, il était dans tel endroit. Fala, t'est-à-dire. Il a une excuse. خاصةً, si tu te rappelles de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, إذا اجتهد الحاكم فأخطى فله أجر وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. النبي صلى الله عليه وسلم il leur a donné une excuse. العلماء المجتهدون, العلماء الكبار, qu'on doit aimer, on doit s'entraider معهم, si on entend une chose, ils sont pas infaillibles. Ne pas faire l'erreur de les élever au rang qu'annahum ils sont infaillibles. Là, ça reste des êtres humains qui sont à la khir, qui aiment le khir, qui propagent le khir. Enfin, si tu entends une chose, là, Allah, il a une excuse. Et ne te précipite pas. Et avec le temps, tu verras. Peut-être qu'il va revenir sur ce qawl. Peut-être que c'est un tas qui n'a pas compris à la base. Et alhamdoulilah, yahsul khir. Amma mujarrad, on entend une chose. Et khalas, c'est tuham. Et le rudud qui ne sont pas fondés sur l'ilm et la précipitation, comme yaf'al ba'du at-ta'ishin, qui n'ont pas connu l'ilm, ça fait beaucoup de mal. ثم قال رحمه الله وأنشدني محمد ابن أبي علي قال أنشدنا الربعي عن الأصمعي أتيتك تائبا من كل ذنب وخير الناس من أخطأ فتاب أليس الله يستعفى فيعفو وقد ملك العقوبة والعقاب. هذا سنغب الطيب أن سبوت إلى منتخى son frère أن جمكسكوز إيجي في التوبة. Je te demande pardon. Et Thumma, il lui a rappelé Alaysa Allah yusta'fa faya'fu. Allah subhanahu wa ta'ala yusta'fa faya'fu. C'est l'afu, Azza wa Jal. Allahumma innaka afuun tuhibbu l'afu. Allah, c'est l'afu parmi ses noms, l'afu. Et parmi ses attributs, l'afu, annahu, il pardonne. Et il aime le pardon. Faqad yaghfiru l'ghafiru ar-ra'n. Oh, hada, c'est le verbe d'après. Alaysa Allah yusta'fa faya'fu. Waqad malaka l'uqubata wal'iqab. Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Il pardonne à son abd alors qu'il a la capacité de le châtier. Et ça, c'est min al-kamal. Un malbar, peut-être qui... Matalan, des êtres humains, ils peuvent pardonner. Les ma'adhal et naoum, ils n'ont pas la capacité de se venger, de châtier, de répondre. Enfin, leur pardon, c'est une faiblesse. C'est un aqs. Amma Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne et il est capable de tout. Ça, c'est min al-kamal. Ça, c'est la perfection. Ça, c'est un rappel. Un Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le pardon, il pardonne. En tant qu'être humain, et qu'on doit aimer le pardon, et on doit pardonner à nos frères. Khasatan, s'il demande pardon. قال وأنشدني محمد بن إسحاق الواسطي عصيت وتبت كما قد عصى وتاب إلى ربه آدم فقل قول يوسف لا تتربن فقد يغفر الغافر الرحيم. كذلك هذا c'est جميل. أنه ce poète il a montré أنه il s'est trompé. Annahu, il demande pardon, il demande des excuses. Thumma, il a cité ces deux exemples. Le deuxième exemple, on l'a vu au début. L'histoire de Youssouf avec ses frères. La tathriba alaykum al-yawm. Et il leur a pardonné. Et il a tout effacé ce jour-là. Il leur a tout effacé et il leur a pardonné. Et le premier exemple qu'il a cité, c'est Adam. Adam, il a fait une erreur. Il a mangé minash shajara alors que Allah lui avait interdit. Thumma tab. فتاب الله عليه. Il a demandé pardon. Il a reconnu son zamb. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a pardonné. هذا بيت جميل. ثم قال رحمه الله الاعتذار يذهب الهموم ويجلي الأحزان ويدفع الحقد ويذهب الصدى. Ça c'est ثمرات هذا الخلق العظيم الاعتذار. Parmi les fruits bénéfiques et profitables de l'i'tidar. Et si tu demandes pardon, et si ton frère il accepte, enfin, ça aura des conséquences très très bénéfiques pour al-mu'minin. Il a cité, rahimahullah, l'i'tidar yudhibu al-humum. La chèque, Anna, quand tu as un problème avec ton frère, tu as des shay min hadhihi al-humum. Surtout si c'est un frère que tu aimes, que tu respectes. Tu connais son fadl, tu connais ses efforts, tu as eu un vécu ma'ah. Voilà, chacun a cette coupure, elle rend triste. هذا الاعتذار يذهب الهموم. Et ça nous est tous arrivé. Annaka, tu te réconcilies avec ton frère et tu sentais هذا الهم. Tu sentais de l'anxiété, de l'angoisse dans ton cœur. مجرد الاعتذار. Vous vous réconciliez, vous repartez sur des nouvelles bases. Et هذا الهم يذهب. Et الشيطان, il est humilié. Ça, c'est un fruit parmi les fruits. ويجلي الأحزان، كذلك ça ressemble la tristesse. قال ويدفع الحقد، ça repousse الحقد. أحيانا tu as un problème avec واحد et tu ressens شيء من الحقد، lui ressent du حقد et le lien il est coupé. ثم avec الاعتذار، celui qui s'est trompé il reconnaît et celui qui a subi l'injustice il accepte. وهذا الحقد يذهب، cette rancœur elle disparaît. الحمد لله المحبة reprend sa place. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Repousse de la meilleure manière. Et من الدفع بالتي هي أحسن c'est الاعتذار، de demander pardon ou d'accepter les excuses si c'est l'insan qui a subi des injustices. فهذه العداوة الحقد، cette animosité, cette haine elle se transforme en محبة. قال ويذهب الصداء. كذلك on peut ajouter ou éclaircir encore plus ان الاعتذار يقضي على كثير من المشاكل. Combien de problèmes tu essaies de les résoudre et tu n'arrives pas. Tu parles مثلاً avec un tel, il te dit une version. Tu parles avec l'autre frère, il te dit كذلك une chose. Tu as du mal. Tu as du mal à les rassembler à... et ces problèmes ils ne s'arrêtent pas. مجرد اعتذار أن كل واحد يبخون sur lui. Celui qui a fait une faute, il demande pardon. L'autre, il accepte. On ferme les yeux sur certaines choses, on se pardonne. Et tu trouves أن هذه المشاكل, ces problèmes, ils s'arrêtent directement. كذلك, نفي العجب وجلب التواضع. أن الاعتذار, c'est un comportement très très profitable. Et ce comportement, il va pousser vers d'autres comportements bénéfiques. Il y en a celui qui demande pardon. يعتذر. Ça montre أنه كما تقدم معنا أنه جاهد نفسه. Il a repoussé العجب والكبر de son cœur. العجب c'est ce que l'être humain il ressent dans son cœur. Il ne veut pas se rabaisser. Il ne veut pas accepter. عياذا بالله. أحيانا c'est du كبر, c'est de l'orgueil. Avec هذا الاعتذار tu repousses هذا العجب. Et كذلك جلب التواضع. Et celui qui demande pardon, c'est qu'il a, il a du tawadu. Et ça, c'est un comportement très, très profitable. Nassit, est-ce que marra ma'ana ou sayati, on en a parlé, fima athkur. At-tawadu, ay, la modestie, être modeste. Man tawadu alillah, rafa'ahu Allah. Hakada qal al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est modeste pour Allah, il se rabaisse pour Allah. C'est pour ça que, et ça c'est très très important, anna, من النية الطيبة qu'on doit avoir dans ce cas et ça facilite جدا. Tu as un problème avec quelqu'un, tu veux demander pardon, فجاهد نفسك et rabaisse-toi لله pour Allah عز وجل. C'est ton frère, c'est toi qui as fauté, c'est toi qui as été injuste, enfin tu te rabaisse pour Allah عز وجل et tu demandes pardon. Tu verras que ça sera une cause de rifa. من تواضع لله, celui qui se rabaisse pour Allah, qui est modeste pour Allah, رفعه الله, Allah il l'élèvera. Et si Allah t'élève, tu auras tout gagné, Akhil Karim. كذلك الوئام بين المؤمنين والاجتماع. Ça c'est une cause pour renforcer les liens entre mu'min. Il y en a beaucoup de divisions qui y a entre al-ikhwan. Beaucoup c'est des choses qui pourraient s'arrêter, qu'on pourrait repousser avec al-i'tidhar et al-tawadu. كذلك on peut ajouter هنا من باب الفائدة أن الاعتذار له موانع. Il y a des choses كذلك qui poussent le mu'min à ne pas demander pardon. ومن أعظم الموانع c'est الجهل بهذه الثمرات. Celui qui ignore ces bienfaits qu'on vient de citer. كذلك on n'a pas cité, on peut l'ajouter أن celui qui demande pardon المعتذر كذلك celui qui accepte ils ont une énorme récompense عند الله عز وجل. Celui qui ignore tout cela, il pense qu'au mauvais côté, je ne vais pas me rabaisser, c'est moi qui ai raison, il va recommencer, et encore plus avec les mauvaises fréquentations. Bardoum, ils ont des nasaïh, c'est comme wasawis al-shaytan. Au lieu d'encourager le frère à faire le bien, tout le contraire. Pourquoi c'est pas à toi de faire le pas, c'est pas à toi d'accepter, il a déjà fait min hadha al-kalam. Tout ça pousse à ne pas s'excuser ou ne pas accepter les excuses. كذلك من الموانع الوقوع في الحرج. Et ne pas faire cet effort pour rabaisser son nefs, ce jihad azim. Le bâd, ils regardent que le haral, ils savent qu'ils ont tort. Et ils savent que leur frère, il a raison. Lakin, ce haral, cette gêne, il n'ose pas. Les choses qui vont aider à faire le pas, c'est les bonnes fréquentations. Faliada, si tu connais un frère qui est dans cette situation, aide-le. Aide-le, dis-lui, là je m'occupe. Là je vais contacter le frère, là j'organise. Et un tas, tu viens et demande pardon. Là je m'occupe de tout, ça va l'aider. Kadalik, ce qui aide, bien sûr, c'est de penser à la récompense. Et qu'est-ce qui va arriver? Ça vient de Shaitan, cette gêne. Illa, c'est ton frère. Tu verras qu'au début, tu vas ressentir cette gêne. Thoma, un mot, deux mots, ton frère, il va te faciliter. Il ne te laissera même pas terminer. Il te dira, je te pardonne tout, on n'en parle plus. Alhamdulillah. Alhamdulillah, le shaitan, il a été repoussé. Fahada babun nafi' jiddan. Nafi' jiddan. Et ce comportement, qaboul al-i'tidar. On peut ajouter quelques points avant de finir. Taqaddam ma'ana anna al-i'tidar wa qaboul al-udhr khuluqun azim. C'est un comportement très très bénéfique, très très profitable pour le mu'min. Wa al-mu'min yastafid min hadha al-khuluq bien sûr fi ad-dunya wa al-akhirah comme on l'a vu. C'est profitable pour le croyant ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas, ça va renforcer les liens avec son frère. Tous les mérites qu'on a cités, c'est une cause d'union, c'est une cause d'apaisement. Fil akhira, à ceux qui pardonnent, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur pardonnera. Lakin tout cela bishart, avec une condition. An yakun hadha al-mu'min sadiqan. On doit être véridique. Fil i'tidhar, plutôt, ou fi qaboul al-i'tidhar. Dans les deux cas, on doit être véridique. Si on demande pardon, on doit être véridique. Elle m'a demandé pardon et ça arrive. Bardannes. Kanahum la yuvaloun. Il demande pardon. Thumma quelques jours, quelques semaines après, il dit là, c'est pas ça que je voulais. Et il retombe dans les problèmes avec la même personne. Haoulala, chakana avant sonf. Bardannes, après, ils ne veulent plus les côtoyer, ils ne veulent plus accepter d'eux. Fala boudmina sutr. Si tu demandes pardon, tu dois être sadiq. Lilla azza wa jal. Amma au bout de deux jours là, j'ai pas voulu dire ça en fait, j'avais pas compris. Ça, c'est un kalam farigh. Si tu demandes pardon, c'est que tu reconnais l'erreur. Kaif, deux jours après, il n'y a plus d'erreur. Kadhalik, celui qui accepte. Et là, ça arrive. Ils acceptent Zahiran. Thumma, quelques jours après, là, ils ressortent. Mais en fait, je me suis précipité. Là, si tu l'acceptes, accepte-le. Lillah Azza wa Jal. Al-Sidq, c'est très très important. Wa ta'ammal akhi al-karim, qissat Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, wa sahibayhi. Lamma a'tadharu, quand ils n'ont pas assisté à la bataille de Tabouk. Ceux qui ont étudié ma'ana kitab At-Tawba de min Riyad As-Salihin il y a quelques mois, à l'imam Nawawi, là c'était Qissat Ka'b, le hadith, Tawil, c'est Sahih. Et on avait lu l'explication de Cheikh Ibn Uthaymeen. Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, et deux autres compagnons, ils n'ont pas assisté à la bataille de Tabouk. Thumma, ils ont regretté. Ils ont regretté et ils étaient sincères. Falihada, quand un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est revenu, Al-Munafiqoun qui était fil Medina, ils se sont empressés d'aller voir un Nabi sallallahu alayhi wa sallam et de mentir. Hada, il a dit qu'il avait telle chose, l'autre il a dit sa femme, l'autre il a dit mon enfant, l'autre il a dit que des mensonges. Il ne voulait pas faire le jihad. Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, et les deux autres compagnons, ils étaient sincères. Mais ils n'ont pas cherché d'excuses. Annahum, ils ne sont pas venus et un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu Ka'b, il a dit Amma hada faqad sadaq. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est appuyé par la révélation. Il a su directement que Ka'b était sincère. Il a dit « Amma hada faqad sadaq ». Lakin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ba'da dhalik, il a attendu la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quoi faire, vu qu'ils n'ont pas assisté? Enfin, quoi faire par rapport à cette erreur? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a attendu 50 jours. Et il a hadir Ka'b et les deux autres, 50 jours. « Qala, amma hada faqad sadaq ». Au bout de 50 jours, كانت العاقبة الحميدة لمن. Qui c'est qui a réussi? C'est les hypocrites ou c'est Ka'b radiyallahu anhu et les deux autres compagnons? Voilà, chacun n'a pas c'était Ka'b et les autres compagnons radiyallahu anhu majma'in. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم au bout du 50e jour, أبشر لخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. Il lui a dit reçois la bonne nouvelle, le meilleur jour depuis que ta mère elle t'a enfanté. Ka'b radiyallahu anhu, quand il a entendu hada, il a su que khalas, Alhamdulillah, c'était fini Al-Hajr. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a parlé. Et il a su que sa tawbah allait être acceptée. Lakin, il a posé une question. Qal, amin indiki ya Rasulallah, amin indillah. Il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ça vient de toi? Et tu acceptes mes excuses? Ou c'est Allah azza wa jal? Qal, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la bal min indillah. Bal, c'est Allah azza wa jal qui a accepté vos excuses. Thumma, le verset de sourate, min sourate At-Tawbah, il a été révélé. Enfin, c'est quoi qui a causé Najat, Ka'b et les deux autres compagnons, radiyallahu anhum? C'est As-Sidq. Ils n'ont pas cherché des fausses excuses. فنستفيد من هذا نحن أن كنت on excuse un frère ou نحن on s'excuse, on doit être véridique. أما jouer et faire apparaître des choses autres que ce qu'on pense, فهذا يضر. C'est من صفات المنافقين عيادا بالله. فأخي السني إن حصل من أخيك شيء تكرهه ثم اعتذر منك فقبل فقبل اعتذاره. Si ton frère, خاصة السني السلفي, qui est في نفس الدرب معك يمشي, la même عقيده, le même منهج, إذا اعتذر منك, فلماذا ne pas accepter? حفاظا على الأخوة والجماعة, c'est très très important. Ça veut pas dire qu'on accepte que un sunni qui a la ilm comme toi, là si c'est un musulman من العوام, فكذلك نرحم ce مسلم. كذلك لا نكون ممن يجعل من الحب قبة كما يقولون. Ce qu'on a cité tout au début, تذكرون. العرب يقولون يجعل من الحب قبة. الحب c'est une toute petite graine. De cette petite graine, il en fait une قبة. Une قبة c'est une énorme chose. On ne doit pas faire partie de هؤلاء. Les petites choses, on les laisse petites. Si c'est une grande chose, كذلك نعالجها بالعلم. Et en revenant aux savants de la sunna, نعم, j'ai cité au début أهل السنة par rapport aux problèmes qui peuvent se passer entre طلبات العلم في الدعوة, خاصة طلبات العلم qui se côtoient. Il peut y avoir des choses, des manques de patience, des énervements, des comportements. طالب العلم, il n'est pas معصوم أبدا. Il a des faiblesses. Il a des moments où il est fatigué, il est à bout. فهذا الحال, on essaye de considérer ces choses qu'on vient de citer. يقول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذه الآية من آية عظيمة. إن الذين اتقوا, ceux qui craignent Allah عز وجل, إذا مسهم طائف من الشيطان, s'ils ont des faiblesses. Ça nous montre أن الله سبحانه وتعالى, il les a qualifiés de أهل التقوى, des hommes pieux. مع هذا الله سبحانه وتعالى, il a montré s'ils ont des faiblesses. وسوس دو الشيطان, il a glissé une mauvaise parole. قال تذكروا في هذا الحال. Ça c'est très très important. Tu as glissé, tu t'es trompé, tu as fauté, تذكر, réfléchis, calme-toi. الحق حق والاتباع. Si c'est toi le fautif, t'es le fautif, même si tu essayes de changer, c'est toi le fautif. Si tu n'es pas reconnu fautif ici-bas, tu seras reconnu fautif dans l'au-delà. Enfin, ça ne sert à rien de jouer vihada. قال تذكروا فإذا هم مبصرون. Aïe, après هذا التذكر, Allah عز وجل قال فإذا هم مبصرون. Aïe, il est prêt à accepter الحق. Il est prêt à reconnaître sa faute. لماذا؟ لأنه il a appliqué ما قاله الله سبحانه وتعالى. Dernier تنبيه. وحذر كذلك من بعض أهل الشبه والتمييع. فيذكرون هذا الباب من أجل الدفاع عن المبتدعة. Comme on a fait le rappel hier et dans beaucoup de chapitres sur le bon comportement, أن المنحرفين المبتدعة, ils se servent de ce genre de chapitres sur les bons comportements pour t'écarter de la vérité. فهم, qu'est-ce qu'ils disent? مثلا, ils disent, mais pourquoi vous parlez sur les Ikhwan المفسدون, المفلسون, الضلال, pourquoi vous parlez sur les tablirs, pourquoi vous parlez sur les khawarij, pourquoi tu critiques Daesh, c'est tes frères, pourquoi tu critiques, alors que haoulas des dhullal. Thumma, ils te citent mitla hada, tu dois leur trouver une excuse, tu dois leur trouver un udhr, peut-être qu'il va te citer un hadith, peut-être qu'il va te citer la parole d'un imam. Ihdhar min hada, faut pas tout mélanger. Wasma ila kalam ba'd al-a'imma fi hada, qala al-imam al-dhahabi rahimahullah fi tarikh al-islam, wa in fatahna bab al-i'tidhar عن المقالات وسلكنا طريقة التأويلات المستحيلات لم يبقى في العالم كفر ولا ضلال. Si on ouvre cette porte et on cherche des excuses à tout le monde, il ne restera plus d'égaré. C'est pour ça qu'on vit à une époque, بعض الضلال يتخوف des excuses, même اليهود والنصارى المشركون الضلال. Là, mais c'est nos frères, ils ont un avis, ils ont des principes, ils ont... C'est nos frères ont rien du tout, c'est des kafaras, c'est des fajara. On doit trouver une excuse à ceux qui ont une excuse. Vous avez remarqué que dans notre époque, les prêcheurs du tamir et du dhalal qui utilisent ces réseaux sociaux, ils appellent qu'au bon comportement qui est fondé sur leur passion et en aucun cas ils mettent en garde contre, on parle même plus de personne, contre un mal. Abadan, tu les entendras critiquer al-Yahoud ou al-Nassar ou al-Mushrikoun ou al-Jahmiya ou al-Mu'tazila ou al-Rawafid et Addi Jamia al-Tabari. Jamais. Tu les trouves quand ils critiquent, ils critiquent Ahl-Sunnah. Et vous avez remarqué qu'ils ont, ils ont l'excuse facile pour les égarer. Am-Sunni. Une parole, un mot. Hada yatakallam ou hada yat'an. Et ba'dhum, ils ont été clairs. Naomi, il se désavoue. Il dit, j'ai rien à voir. معهم. Tout ça, لماذا لأن ce point important الصدق مع الله et هؤلاء ils essayent de satisfaire les autres. قال رحمه الله وبطلت كتب الملل والنحل واختلاف الفرق. Pourquoi les savants ils ont écrit des livres sur les égarés, les savants anciens et contemporains, des livres sur les groupes, sur des individus, sur des sectes? Pourquoi ils n'ont pas cherché des excuses et ils disent là en fait ils ont une excuse, on n'écrit rien là. Ils ont montré les Nabi, c'est un maqam de bayan et de tahzir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. Enfin, on ne doit pas chercher des excuses à tout. Là, les excuses, quand il y a de la place pour l'excuse. Et cette personne, elle mérite qu'on lui trouve une excuse. Un munharif qui appelle au mal, qui propage le mal, فهذا نحذر منه. Et on patiente. والأمر لله من قبل ومن بعد. انتهى كلام الإمام الذهبي. Une autre parole pour finir, قول العلامة الشيخ حمود التويدري رحمة الله عليه في الإجابة الجلية قال إن الاعتذار من الأقوال الباطلة والدفاع عنها دليل على الرضا بها ومن رضي عمل قوم فهو مثلهم. Celui qui cherche des excuses aux égarés et il ne les critique pas, بل دائما il les appuie et il les défend, mais peut-être, mais كما قال الشيخ حمود, هذا ça montre qu'il est avec eux. Ça montre qu'il a les mêmes idées qu'eux. قال فهو مثلهم ولا يخلو الذي يعتذر عن الأقوال الباطلة من أحد أمرين. Tu as deux catégories de gens qui trouvent ou qui essayent de trouver des excuses pour les égarer. La première catégorie, قال إما أن يكون عالما ببطلانها أي بطلان هذه الأقوال وهو مع ذلك يدافع عنها ويطلب لها التوجيهات المكلفة. Le premier cas, أنهم ils savent très bien, ils connaissent les égarements de هؤلاء. Il connaît leur position. Lakin, il essaye de trouver des excuses avec takallouf. Mais peut-être des choses vraiment très très loin. Matalan, il insulte un sahaba, il insulte un sahaba. Matalan, il dit qu'Allah il n'est pas au-dessus des cieux, il dit qu'Allah il n'est pas au-dessus des cieux. Mais ils essayent toujours de trouver, mais peut-être il a voulu dire min hadal ba. Qala, fa hadha yulhaq bi ahli al-batil. Vu qu'il est à la ilm, il a de la science, il connaît leur position. Il fait partie d'eux. Donc, هذا, on le met avec eux. Le fait qu'il leur trouve des excuses, c'est qu'il est avec eux. La deuxième catégorie, إِمَّا أَنْ يَكُنْ جَاهِلًا بِأَنَّهَا بَعْتِلًا. La deuxième catégorie, il est ignorant. Il cherche des excuses, mais il ne connaît pas l'égarement de cette personne qu'il défend ou de ce groupe. قَالَ فَهَذَا يَنْبَغِي تَعْلِيمًا. فَهَذَا يَنْبَغِي بِلُتُوا تَعْلِيمًا. هذا, on patiente معه. Et on lui montre. لِأَنَّ بَعْضَ الْمُسْلِمِينَ, ils ne connaissent pas les groupes égarés, ils ne connaissent pas al-manahij al-fasid al-batila. Et pour lui, on est une seule communauté, on ne doit pas critiquer les autres, on doit tous se rassembler. هذا أوتي من جهله. On patiente et on lui montre. Et on essaye de lui offrir un livre من أئمة السنة qui explique ce point. ونصبر عليه. قال فإن أصر بعد العلم. Par contre, s'il s'entête, il ne veut pas écouter et il rejette l'ilm après l'avoir vu, après l'avoir entendu, قال فإن أصر بعد العلم ببطلانها فإنه يلحق بأهلها. فهذا si il refuse et il rejette l'ilm et il n'accepte pas, ça prouve كذلك qu'il est معهم. نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والعافية. وبهذا انتهينا من هذا الباب المهم في الاعتذار، ونسأل الله سبحانه وتعالى الثبات، والحمد لله رب العالمين.